m'as prise entre tes mains, conduite sur un chemin courbé, entre pleins et déliés, et mille autres ruses de malin. Je ne traçais que les contours, une esquisse déjà délicieuse, une collection de lettres à en faire des envieuses. La suite s'écrivait en un jour, tant que tu me tiens dans ta main. Ma pointe donne à tes pages du volume, je ne suis que ta plume. Et tu me tiens, et tu me tiens si bien. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mais tu aurais bien raison de me piquer si tombé dans le fond de l'encrier, je venais à tremper mon ego. Fais-moi tourner, fais-moi danser, fais-moi glisser sur le papier, fais-moi tonner, m'étourdir, presse-moi de tout te dire. Fais-moi tourner, fais-moi danser, fais-moi glisser sur le papier, je te livre sans pudeur, l'ivresse et l'encre de mon cœur. Me fait tordre une à une mes promesses, contre quelques courtes minutes créatrices. Serais-je ta plume ou un caprice pour que tu te joues de moi sans cesse? Si l'on m'a prise de la parure d'un oiseau, le vent peut toujours me faire m'envoler. Je ne suis que ta plume, c'est vrai, mais ne t'emballe pas trop. Fais-moi tourner, fais-moi danser, fais-moi glisser sur le papier, fais-moi tonner, m'étourdir, presse-moi de tout te dire. Fais-moi tourner, fais-moi danser, fais-moi glisser sur le papier, je te livre sans pudeur, l'ivresse et l'encre de mon cœur. Tu m'as prise entre tes mains, je ne traçais que les contours, conduite sur un chemin courbé, entre pleins et déliés, et mille autres ruses de malin. Hey, tu m'as prise entre tes mains, conduite sur un chemin courbé, entre pleins et déliés, je ne suis que ta plume et j'ai mille autres. J'ai mille autres ruses, je ne suis que ta plume.